6h du mat et je me lève, j'ai déjà un air dans la tête. Une mélodie ou des paroles déjà m'entêtent. Je pourrais pas vivre sans elle, un peu cruelle. La pompe posée ou partir en guerre, toujours présente dans mes oreilles. Elle m'accompagne depuis tout jeune, c'est pas ma femme mais la deuxième. Comme ma maîtresse, toujours présente, c'est la musique et ça je l'aime. Jamais manqué de fidélité, j'ai connu les disques et des CD. Dans ma chambre c'était blindé, poster et rappé. Je l'écoute, elle fait de même, sur un banc ou le bord d'une route. En banqueroute, riche à la banque, toujours présente, y'aura pas de doute. Elle enlève mes pensées nuisibles, mes mimiques et mes tics. Je pourrais jamais vivre sans cette putain de musique. Elle aime bien quand je fais le pitre, quand je fais l'amour, quand je fais le trip. Elle aime quand je fais le pognon, quand je suis content ou je touche le fond. Elle aime bien quand j'ai le sourire, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, je pousse le son, elle aime trop quand je pète les plombs. Elle aime bien quand je fais le pitre, quand je fais l'amour, quand je fais le trip. Elle aime quand je fais le pognon, quand je suis content ou je touche le fond. Elle aime bien quand j'ai le sourire, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, je pousse le son, elle aime trop quand je pète les plombs. À l'écoute de mes rancœurs, mon oasis face à l'aridité de la vie. Elle peut dévoiler mes humeurs, me faire affronter mes peurs. Quand elle est loin, j'en ai le manque. Au moindre stress, reste alléchante, je peux la zapper si elle est chiante. Elle m'apaise quand l'angoisse est trop forte, insoutenable. Malheureusement causée par la course d'un sous-stable. Quand elle me questionne, je passe à table, je pourrais pas lui manquer de tact. J'écris pour elle, c'est ma tactique, elle n'apprécie pas quand je lui mens. Au moins véritablement, jamais loin dans l'action, dans l'émotion, volume à fond, c'est important. J'aime la lire, j'aime l'écrire, je suis pas un pro, mais je sais qu'il y a pire. Trop intime, elle le sait, mais bon ça j'aime pas trop lui dire. Elle aime bien quand je fais le pitre, quand je fais l'amour, quand je fais le trip. Elle aime quand je fais le pognon, quand je suis content ou je touche le fond. Elle aime bien quand j'ai le sourire, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, je pousse le son, elle aime trop quand je pète les plombs. Elle aime bien quand je fais le pitre, quand je fais l'amour, quand je fais le trip. Elle aime quand je fais le pognon, quand je suis content ou je touche le fond. Elle aime bien quand j'ai le sourire, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, je pousse le son, elle aime trop quand je pète les plombs. Un petit son sans trop de pression pour déclarer ma flamme en une chanson. À la vie, à la mort, est-ce ma passion dans mes oreilles? Je pourrais pas oublier le son, la symphonie, sa mélodie, sa rythmique. Je kiffe cette putain de musique. C'est Joe l'Incognito. Pour elle, la musique. La musique. La musique.